provenance des terrains vagues, des vapeurs pilons. La vie d'un jeune ici équivaut à 20 kilos. Pédo, on a déjà essayé, trafiquer le quai, on sera solidaire. Donne-nous l'adresse à François Pinot, j'arrive des caves. Aménager une télé, un canapé, une plaie, vendeur de caves. Mis en examen, écroué, je dégrade le haut, la coupe briquée. Bosser toute ma vie pour un parfait fabriqué, va te faire niquer. Alors on s'organise comme en Cisjordanie, mais il nous faut passer pour des lâches qui s'attaquent à n'importe qui. Derrière la porte, c'est qui? Police, on va pousser les bides en ville en bordure de périph. Garde à vue renouvelable, on a la poisse, hein. Alors on se met à braquer les banques des pays voisins, hein. Dans un hall assez flé de la Zobrowska. Y'a pire en terre d'Afrique, hein. C'est 200 000 enfants soldats. Nos âmes viennent de l'Est, nos gos font des plaques allemandes. Mon shit vient des hauts plateaux, ma beurre d'Hollande, terrain vague. On a notre façon de voir la vie, le marché de la cam s'élargit, comme la prostitution en Asie. Nos parents ont fui la poudrière africaine, les chefs d'état corrompus, qu'on bloquait sur des comptes offshore. L'argent de nos ancêtres, dans la vie tu payes, y'a rien de battle. Le vendeur est caché sous sa capuche, alerté au talkie par la rabatteur. On se croise tous les jours, on se les rare, comme les confusions de peine. Foutu comme si on avait laissé nos empreintes sur un fusil, j'suis des terrains vagues, des bon libérable, coincé entre deux blancs, vigie pirate, des gueules de pirate, tête d'escrocs comme Chirac, des cailles larges comme des éléphants et hauts comme des girafes. T'as plus chico, t'as mal, enfonce-toi un coup de girofle. Bah j'aime jouer à cita raf quand t'entends les girons. Nos âmes viennent de l'Est, nos gros vaut des plaques allemandes. Mon shit vient des hauts plateaux, ma beurre d'Hollande, terre vague. On a notre façon de voir la vie, le marché de la cam s'élargit, comme la prostitution en Asie, terre vague. Les champions des travaux publics sont du Maghreb, du Mali ou des Caraïbes, terre vague. On a notre façon de voir la vie, le marché de la cam s'élargit, comme la contrefaçon en Asie. On a perdu des anciens, c'est l'héroïne. C'est devenu banal de vendre la cocaïne. Transit de cam par voilier ou par Boeing. Il alimente la commune, étouffe le ghetto. Les dégâts de l'héroïne, c'est devenu banal de vendre la cocaïne. Transit de cam par voilier ou par Boeing. Il alimente la commune. Le rap vient des ghettos d'Amérique, ça nous parle, on est à la dérive. Respecte au moins ceux qui ont vraiment une enfance terrible. On a des chimistes, coupe la cam, prépare les packs et manipule en grève. Les commandos qui se cachent parmi les civils. Ça pue la beurre dans les couloirs, toujours souriant avec les locataires. Ça parle à règlement de compte quand y'a un homme à terre. Tout le monde pense avoir le mode de vie inapproprié. L'envie de dire à sa mère, repose-toi sur nous, pas trop crier. On a tellement manqué de tout que lors notre premier coup, on est tombé fou, amoureux des billets. Une grosse équipe pour assurance, c'est pas une rumeur, on a bien braqué le stock de shit du concurrent. Nos âmes viennent de l'Est, nos gros vaut des plaques allemandes. Mon shit vient des hauts plateaux, ma beurre d'Hollande, terrain vague. On a notre façon de voir la vie, le marché de la cam s'élargit, comme la prostitution en Asie, terrain vague. Les champions des travaux publics sont du Maghreb, du Mali ou des Caraïbes, terrain vague. On a notre façon de voir la vie, le marché de la cam s'élargit, comme la contrefaçon en Asie.